partie 2. 151. Wasabi. The Labo Baby. La vie des billets m'appelle. Namozo vole et tu ne gavois les paires de fesses. Apollo partie 2, marqué sur nos habits. Pour pimenter le sang, j'y ai mis du wasabi. La vie des billets m'apaise. Namozo vole et tu ne gavois les paires de fesses. Apollo partie 2, marqué sur nos habits. Pour pimenter le sang, j'y ai mis du wasabi. Calme-toi un peu, quoi. Est-ce que t'as bu? Tu me disais quoi, gros? Voilà, j'ai bu. Plus rapide que Bolt, hey. Donc arrête de talk, hey. Ici c'est moi le best, tu n'es qu'une bête. J'débarque dans le game, j'aperçois des grands rappeurs. La zone 51, moi je sais qu'elle a pas peur. J'fais de la musique, de BZ jusqu'à Brassem. Désir et espoir nous pousseront vers le futur. Comme Léo de Vinci, ton avenir c'est la peinture. Sa montée, ça descend, l'apogée c'est un ascenseur. Pour réussir, j'ai dû lutter avec ardeur. Rien ne pourrait m'arrêter, même pas les pères d'un pasteur. Fais pas le guedin, je te saute d'eau avec ma manette. Ils ont voulu me descendre en utilisant des paillettes. Très noir que je suis, je brille pas mais j'illumine. Regroupement des soldats, on dirait des sorties. La vie des billets m'apaise. Namozo vole et tu ne gavois les paires de fesses. Apollo partie 2, marqué sur nos habits. Pour pimenter le sang, j'y ai mis du wasabi. La vie des billets m'apaise. Namozo vole et tu ne gavois les paires de fesses. Apollo partie 2, marqué sur nos habits. Pour pimenter le sang, j'y ai mis du wasabi. Sont qui sont les vrais bestes. En deux minutes, moi je te blesse. Depuis qu'on est dans le game, les fleurs n'ont plus de pollen. Depuis j'ai connu la reine, c'est moi qui tiens les rênes. Je sais ce qui est capable, ma team, monter sur la reine. Ils croyaient que la vie des cheveux blancs, or que c'est de la tienne. Ça parle à gauche, à droite, hein, qu'est-ce qu'ils veulent des frappes? Papi Doge, ah, y'a pas de démocratie. Arrête, on pleura, bouge en Croatie. Si, ça sent la monnaie sur mon nez, y'a pas question d'égalité. Comme nous dans le gros bonnet, nos frappes sont tous de qualité. Je gère et mon safari, je crois. Y'a du wasabi, j'ai percé dans la zik sans perdre mon âme. La vie des billets m'apaise. Namozo vole et tu ne gavois les paires de fesses. Apollo partie 2, marqué sur nos habits. Pour pimenter le sang, j'y ai mis du wasabi. La vie des billets m'apaise. Namozo vole et tu ne gavois les paires de fesses. Apollo partie 2, marqué sur nos habits. Pour pimenter le sang, j'y ai mis du wasabi. Le texte commence sur une feuille pour finir dans un micro. Tu fais le gars, t'es baraqué, mais je connais tes points vitaux. T'as léché ma bite, je lècherai jamais ton clito. Karaté, tu pratiques, ma clope fait la d'abord zizo. Tu planes sur ta go, moi je plane sur mes billets. Dans les affaires, même à temps poteau, sur faut pas te fier. J'attache avec tous ces faux culs, tous ces visages maquillés. Ta mère t'a produit comme un œuf que je devais griller. Je suis le best, tu le best, bourré de réflexes, rempli de mes textes. En fit, je veux pas te faire de caresses, je veux le bend et la Maserati. Dérive au plus 15, dans ma neuse, je suis reparti faire des mixtapes. La vie des billets m'apaise. Namozo vole et tu ne gavois les paires de fesses. Apollo partie 2, marqué sur nos habits. Pour pimenter le sang, j'y ai mis du wasabi. La vie des billets m'apaise. Namozo vole et tu ne gavois les paires de fesses. Apollo partie 2, marqué sur nos habits. Pour pimenter le sang, j'y ai mis du wasabi. The Labo Baby.